Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse La République et les croyants, une série de Catherine Escrive réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a l'idée qu'il faut parler des religions et pas seulement de la religion musulmane. Et l'idée aussi qu'on pourrait penser aux croyants, ceux qu'on n'entend pas et qui tentent de faire cohabiter leur foi avec les principes républicains de l'école. Alors pour commencer, les personnages. Une intervenante en quête de sens, des élèves dissipés, Abraham, Gabriel et Vishnu, un religiologue, une élève qui étudie la laïcité, une prof qui l'enseigne et des lycéens qui décortiquent la loi. Ensuite, le décor. Des salles de classe, des mains levées, la laïcité centenaire, des jeux, une fameuse minute de silence, l'université, la pédagogie, l'observatoire de la laïcité et des signes ostentatoires. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est la récréation. Camille Hazard, pour moi la laïcité c'est l'unique moyen de pouvoir coexister. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre et que c'est ce qui nous permet d'avoir une multitude d'identités et de vivre ensemble. Faut-il renforcer l'enseignement du fait religieux ? Catherine Escrive, Rafik Zénine. Je m'appelle Camille Hazard. Je travaille pour l'association Enquête depuis septembre dernier et je fais pas mal de choses différentes dans mon paysage professionnel, on va dire, dont Enquête fait partie. Alors nous nous trouvons en plein centre de Paris, en face d'une école publique. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous allez faire là avec les élèves. C'est des ateliers qu'on propose donc dans les écoles à l'occasion des TAP, les activités périscolaires. Et il y a 10 séances par atelier avec les enfants d'école primaire. Là, c'est une classe de CM1, CM2, donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Quand il s'agit de classe de CPCE1, c'est plutôt vraiment des jeux et moins de discussions puisqu'il y a moins de préoccupations à leur âge. Alors avant de comprendre ce que vous allez faire avec eux, ce qui serait bien, ce serait que vous nous présentiez l'activité des petits enquêteurs et de l'association Enquête dans son ensemble, pour qu'on comprenne la démarche. Alors, l'association Enquête, qui a été créée en 2010, elle a plusieurs branches, c'est-à-dire qu'il y a un pôle recherche où ils essaient d'étudier un peu le climat actuel, comment sont abordés les faits religieux, est-ce qu'ils sont abordés, quelles institutions sont intéressées, ça c'est une première branche. Et puis, l'association s'est surtout créée pour amener des outils pédagogiques dans les écoles, mais aussi à des gens qui travaillent dans des institutions, tous ceux qui travaillent en fait en cohabitation avec des jeunes enfants et des adolescents, pour leur permettre de pouvoir rebondir sur certains sujets qui font l'actualité et avoir une connaissance dans le domaine de la laïcité et des faits religieux. Donc c'est amener une base de connaissances et surtout des outils ludiques, puisque c'est destiné aux enfants et aux adolescents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, qui peuvent nous rappeler? Lou, s'il te plaît, non. Non, non. J'ai même pas parlé. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce qu'on a fait la semaine dernière? On a fait un jeu qui s'appelait Savoir et croire. Vous vous souvenez de questions? Oui. On a résumé à peu près tout ce qu'on a fait. Par exemple, on a refait toutes les signes des religions chrétiennes, musulmanes. On a joué au jeu Savoir et croire, par exemple. Je peux expliquer le jeu? Et qu'est-ce que... Je crois que c'était toi qui avais dit quelque chose de très intéressant la semaine dernière. Comment on peut faire la différence entre le savoir et le croire? Est-ce que vous vous souvenez? Savoir, c'est quand tu sais, tu es sûr que c'est ça. Et croire, tu penses, tu n'es pas très sûr que c'est ça. En début d'année, quand on commence un atelier avec les enfants, on va tourner autour de ce qui peut les préoccuper. C'est-à-dire que l'atelier commence, par exemple, le premier va commencer sur un jeu sur les origines, les convictions et les nationalités. Puisqu'ils ont déjà en fait plein d'idées préconçues là-dessus. C'est un jeu d'ailleurs qu'on peut faire aussi avec des adultes, ça marche très bien aussi. Et donc c'est essayer de voir un petit peu les choses qui peuvent s'assembler, qui n'ont rien à voir, déconstruire les préjugés. Ensuite il y a une séance qui est consacrée à la différence entre savoir et croire, par exemple. Est-ce que c'est la même chose? Quelle est la différence? Comment on peut être sûr d'une information? Et une fois qu'on a vu un peu la cartographie de sujets qui peuvent les intéresser au quotidien, on rentre dans le vif du sujet, dans les religions monothéistes et polythéistes, et ensuite on fait le lien avec la laïcité. Et le lien avec la laïcité se fait tout seul parce qu'on essaie vraiment de montrer aux enfants la complexité des religions et qu'il n'y a pas qu'une vérité, évidemment, sur à chaque fois des faits religieux et que tout ça peut se regrouper et que toute cette multitude qui cohabite, il faut qu'elle s'organise autour de quelque chose qui rassemble. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose que la laïcité de mieux. Donc ça se fait naturellement. Ce qui est exceptionnel dans l'association Enquête et dans ces ateliers nommés les petits enquêteurs, c'est la jeunesse des participants. C'est une des rares associations à proposer un tel travail en France. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, dès l'âge de 8-9 ans, les enfants ont déjà des idées. Et ce qui est important, Enquête a vraiment son rôle à jouer dans les écoles parce que les enfants ne parlent pas de religion à l'école, ils ne parlent pas de religion au conservatoire, au foot, parce que souvent on leur dit que il ne faut pas en parler. Et donc ils n'ont jamais l'occasion d'en parler, si ce n'est à la maison, mais souvent c'est à travers une parole qui est peut-être religieuse et qui n'aborde pas toutes les religions. Et puis parfois ils en parlent sous cap à l'école, en véhiculant peut-être des idées préconçues. Et donc il y a une absence totale de discussion là-dessus, alors que les enfants ont très envie d'en parler, très très envie. Parce que ça concerne leurs copains, leur famille, des choses qu'ils ont entendues, des questions qui se posent auxquelles on n'est peut-être pas à même de pouvoir répondre. Donc vraiment, dès la primaire, c'est très important de les confronter à ça et de pouvoir répondre, nous, à leurs préoccupations. Éric Vincent, spécialiste des faits religieux et des laïcités. La laïcité est à mes yeux la régulation démocratique des faits religieux et convictionnels. Éric Vincent, si on avait l'ambition de faire une petite histoire de l'enseignement religieux en France, puis du fait religieux à l'école, on pourrait commencer par dire, alors on ne remonterait pas très très loin, mais que la première institution à être laïcisée en France, c'est l'école. Oui. À quel moment? Et puis ensuite, quels sont les temps charnières finalement? Au début des années 1880, on a bien sûr l'enracinement de la Troisième République avec sa politique scolaire spécifique qui passe par l'établissement de l'instruction obligatoire et de l'école laïque et gratuite. Nous tous en France, nous disons l'école laïque gratuite et obligatoire. C'est faux. Ça fait partie de ces locutions que nous avons tous en tête et qui sous-entendent que l'instruction laïque est obligatoire. Alors que c'est pas ça qu'a fait Jules Ferry et qu'ont fait les Républicains. Ils ont à la fois dit l'instruction est obligatoire et proposé, dans le cadre d'une école publique et laïque et gratuite, de répondre à cette obligation d'instruction, mais sachant qu'une instruction confessionnelle est également possible, et une instruction y compris dans la famille. Alors, en effet, cet enseignement religieux, au départ, il s'est passé dans un contexte assez conflictuel, bien sûr, parce que la République s'est construite contre l'Église catholique. Rappelez-vous, Gambetta, quelques années avant les lois de Jules Ferry, disait « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Il en reste quelque chose jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, de très profond dans la culture française, dans la culture politique et scolaire française. L'école est le lieu qui a le plus été marqué par tout ça, de façon, je dirais, identitaire, là aussi. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est la déconfessionnalisation de l'école publique. L'école publique n'est pas un lieu où on parle des religions de façon confessionnelle. En revanche, il y avait un enseignement qui avait rapport avec le religieux, mais qui n'était plus confessionnel. Et ça, on l'a beaucoup oublié. La Troisième République enseigne quasiment continuellement de 1882 jusqu'au régime de Vichy, les devoirs envers Dieu. C'est-à-dire que ça s'appelait comme ça, c'était inscrit comme ça dans les programmes scolaires. C'est-à-dire que la République pensait qu'elle devait parler de Dieu, si on parle de façon très caricaturale, aux élèves dans l'école publique. Chose très étonnante pour nous tous aujourd'hui. On se dit, mais comment c'est possible? Dans une école laïque, Dieu est là? Ben oui, Dieu était là. De la même façon, d'ailleurs, qu'il est aussi dans la Déclaration des droits de l'homme. Là aussi, nous l'oublions tous. Mais il était là comment, Dieu? Eh bien, dans les programmes, il était mentionné, c'est-à-dire que dans le cas de la morale laïque, il était prescrit de parler aux enfants, par exemple, du fait qu'on ne devait pas invoquer le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, on ne devait pas jurer. Sauf que l'école laïque disait, vous pouvez, vous, les instituteurs, transmettre ça aux enfants. Mais en rien, ça ne vous inféode à l'Église catholique. Voilà. Et c'est bien parce que l'école elle-même parle de ces choses-là, qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'église pour en entendre parler. Et donc c'était une rivalité aussi. Hein, mais cette morale laïque, elle allait aussi puiser dans d'autres traditions, pas seulement la tradition chrétienne. Et c'est très important de le dire aussi, c'est-à-dire que il y avait d'autres sources de cette morale laïque, notamment la philosophie grecque ou latine, mais aussi des autres cultures et d'ailleurs les autres religions. Hein. C'est très intéressant de relire à la lumière des questions que nous nous posons à l'heure actuelle le fait que plusieurs tribuns de la Troisième République parlaient par exemple du bouddhisme à la tribune de l'Assemblée nationale dans le cadre des débats très vifs qui avaient lieu sur autour de l'école avec Dieu ou l'école sans Dieu justement et parce que pour eux par exemple, évoquer le bouddhisme c'était une façon de dire voyez il y a des peuples ou des civilisations dont tout le monde s'accorde à reconnaître la qualité morale, hein, où il y a une vraie morale qui est pratiquée, digne de ce nom, et qui ne font pas référence au Dieu de la Bible, pour dire on peut garder la morale sans avoir le christianisme. Voilà. Jaurès lui-même ne s'oppose absolument pas exactement, à cette idée de Dieu. Exactement, tout à fait. Jaurès lui-même parle de Dieu non seulement dans ses deux thèses, sa thèse principale et sa thèse secondaire, mais il en parle, je dirais, de façon centrale. Hein, c'est l'un des points clés de sa réflexion. Et par la suite, il va rementionner et republier ses thèses au cours de son parcours. Et donc voilà, Jaurès, figure si emblématique non seulement de la République française, mais du socialisme français, l'un des pères fondateurs de la laïcité, considérait que on pouvait parler de Dieu à l'école et qu'on pouvait parler de Dieu dans le cadre aussi des débats parlementaires, par exemple. Donc c'était des sujets qui étaient licites. Des choses étaient, comment dire, possibles dans le contexte voilà, de la mise en place de la laïcité qui, aujourd'hui, nous semble impensable. Bon. Il faut voir que ce contexte, il était aussi très conflictuel. Hein. Donc le nôtre redevient conflictuel à l'heure actuelle, sauf que ce n'est plus l'Église catholique qui est dans le collimateur, mais c'est plutôt l'islam. Alors, Camille Hazard, nous allons aller dans cette école, qui est d'ailleurs anonymisée aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler du déroulé de l'atelier général ? Alors, donc, la séance porte sur Abraham et Ibrahim. On va commencer par les laisser découvrir la scène du sacrifice d'Isaac, avec des petits puzzles à reconstituer. Je leur demanderai après d'imaginer l'histoire que peut représenter cette scène. Alors, sans savoir si, évidemment, des enfants connaîtront déjà l'histoire ou pas. Ça arrive que des enfants connaissent. Là, je ne sais pas. Imaginez la scène et puis ensuite, on va essayer de parler de ce sacrifice et du personnage d'Abraham et puis surtout faire le lien avec la tradition chrétienne et musulmane qui a le même patriarche dans ses textes fondateurs et essayer de leur faire comprendre aussi que des mots comme des images assemblées ont besoin d'une interprétation pour pouvoir être lisibles. C'est très important de ne pas juste rester sur des mots figés, mais essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et de comprendre que les religions ne sont jamais... Il n'y a jamais qu'un sens à une écriture. Il peut y en avoir des milliers. Et à chacun d'essayer de creuser, de comprendre ce que veut dire le texte. Bonjour. Oh, t'es là. Prenez vos cartables. Non, on a besoin. Alors, je fais rapidement l'appel. Lucien. France Culture. Chut. Miroslava. Clément. Jules. Isabelle Saint-Martin. Je suis directrice d'études à l'École pratique des hautes études et directrice de l'Institut européen en sciences des religions. Alors, c'est un institut qui a été créé à la suite du rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Le rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque recommandait la création d'un institut qui fasse le pont entre une recherche savante en sciences des religions qui est de très haut niveau en France et reconnue internationalement, et puis la diffusion vers un plus large public, notamment le monde scolaire, mais pas exclusivement, de façon à combler des écarts de connaissances sur les progrès, les avancées des sciences des religions. Alors, le contexte du rapport Debray, d'une part à l'éducation nationale, on s'inquiétait de certaines réactions, bon certes ponctuelles et limitées, mais des réactions posant problème à propos de la minute de silence observée lors des attentats du 11 septembre 2001. Et le ministre Jacques Lang a souhaité demander un rapport sur la question de l'enseignement du fait religieux au philosophe Régis Debray, qui venait de publier un ouvrage sur ces questions intitulé « Dieu, un itinéraire ». Ce qui est très intéressant, Isabelle Saint-Martin, c'est que c'était déjà il y a 18 ans de cela. Ça veut dire que cette question de l'enseignement du fait religieux, elle ne vient pas de naître. Pas du tout. Et à l'époque, elle n'était pas non plus toute neuve. Il faut bien prendre conscience du fait que le rapport de Régis Debray s'inscrit dans plusieurs décennies de réflexion sur ces questions. En fait, avec la massification de l'enseignement scolaire, avec l'arrivée de nouvelles classes d'âge au lycée, avec la perspective de 80% d'une génération au bac, on s'aperçoit que des pans entiers d'une culture humaniste qui était peut-être plus largement partagée, il faut mettre quelques bémols à tout cela, ne sont pas bien connus. Et il y a eu déjà dans les années 1980 plusieurs articles, plusieurs réflexions sur l'inculture à propos des faits religieux des élèves. Et petit à petit, déjà, les programmes évoluent. Les programmes de 1996 commencent à faire une place plus grande à ces questions touchant aux faits religieux. Alors, une des missions de l'Institut européen en sciences des religions est de contribuer à la formation des enseignants pour tout ce qui touche à l'enseignement des faits religieux. Et en montant des formations qui sont inscrites dans les plans académiques de formation, donc les enseignants peuvent s'y inscrire, mais tout ça c'est sur la base du volontariat, hein. C'est au choix des enseignants de pouvoir suivre des modules qui contribuent à leur formation sur ces questions. Évidemment, ce sont des modules assez courts et il appartient toujours aux enseignants de compléter par des lectures, par leur formation individuelle, mais c'est comme ça que se passe la formation continue des enseignants. On s'adresse à un corps d'enseignants qui est tout à fait apte à continuer par lui-même, à développer les pistes abordées dans un module de formation qui ne prétend pas tout faire en 2 fois 3 jours ou en 2 jours sur ces domaines. Comment vous êtes-vous formée, vous, Camille Hazard ? Alors, j'ai suivi une petite formation avec Enquête l'été dernier. Et je continue de me former là cette année. Je suis en train de finir là, un DU avec l'Institut européen des sciences en religion et avec la faculté Jean Monnet. Et c'est un diplôme qui amène à une capacité d'entrevoir et de comprendre la République et les religions. Et comment tout ça peut cohabiter et d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous sentez parfois de la réticence de la part même de l'institution républicaine elle-même a évoqué ces sujets? Souvent, les écoles peuvent avoir peur du regard que vont poser les parents sur cette activité. La majeure partie du temps, les parents ne sont pas au courant. Ils découvrent l'atelier avec le jeu qui arrive à la maison. En général, ça ne pose pas de problème, mais les écoles sont parfois un peu frileuses à ouvrir l'information et à vraiment en parler clairement. Et pourquoi? Il y a un danger? Non, aucun. Aucun, c'est l'image des religions a peut-être été écornée, l'image de la laïcité aussi a été beaucoup écornée, et comme ça reste des cours d'école, hein, avec parfois de la violence, parfois des conflits à gérer, et la question de la laïcité des faits religieux n'est pas une priorité, donc on préfère ne pas en plus se mettre ça sur le dos. Oh, c'est exactement la même que celle qui est là-bas. Oh oui, elle, c'est la même que elle, qui est la même que elle. Et qui a la même que elle. Ah oui, c'est non, bon. Non, c'est pas la même. Elles sont toutes les mêmes, mais sur une autre représentation. Oh si, c'est la même que elle aussi. Mais c'est la même représentation. Ah, mais c'est toutes les mêmes, mais pas représentées par elle. Il s'agit de quoi à chaque fois? Mais on retrouve toujours un ange et quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. On retrouve toujours une personne qui veut tuer quelqu'un avec un couteau. Et il y a l'ange, il essaie de l'empêcher de faire ça. Mm-hmm. J'ai une autre chose En gros, c'est toujours les mêmes. En fait, c'est la même histoire, mais dans des peintures différentes. Oui, donc ça, je l'avais bien chose que, très c'est, les époques sont différentes, les peintres sont différents, les artistes sont différents, mais à chaque fois, c'est le même thème, la même scène qui a été illustrée. Oui, Lou. Ça se trouve, je me trompe complètement, mais enfin, d'après moi, c'est un peu ce qui se passe dans le cœur de certaines personnes quand ils veulent assassiner quelqu'un. Il y a une partie qui le dit de ne pas le faire et une partie qui le... Un dilemme. Oui. Bon, petit à petit, le puzzle se recolle aussi dans l'histoire. Alors, Abraham est ce qu'on appelle un patriarche. Patriarche, est-ce que quelqu'un sait ? Non. C'est en fait un père fondateur. Et c'est le premier homme à avoir cru en un Dieu unique. Vous vous souvenez ? Quel est le terme pour dire que... Très bien. Parce qu'avant... donc là, on est dans le personnage de tradition religieuse. C'est-à-dire qu'on croit qu'un homme nommé Abraham, qui aurait vécu 1850 ans environ avant Jésus-Christ, donc il y a très longtemps en Mésopotamie. Mésopotamie, le terme n'existe plus, mais c'est un peu plus haut, c'est au niveau de l'Irak. Et donc, il y aurait eu cet homme, Abraham, qui, au milieu d'une population où on croit en plusieurs dieux, où l'on est polythéiste, c'est le premier homme à avoir cru en un dieu unique. Donc, le patriarche. Et la religion qui est à ce moment-là, qui va se créer, monothéiste, est la religion juive. Vous vous souvenez du symbole ? Des étoiles à six branches. Je suis un spécialiste du fait religieux et de la laïcité. Parfois, je dis un religiologue, qui est un terme à la fois donc un peu barbare en français de France, mais qui est plus familier à d'autres oreilles, notamment au Québec, et qui désigne justement cette discipline qui n'existe pas en tant que telle dans notre pays, mais qui existe ailleurs, et en fait partout ailleurs, sous différents noms, et qui consiste en effet à l'université à étudier le fait religieux ou les faits religieux, en français on emploie le singulier ou le pluriel, mais aussi tout un tas d'autres phénomènes apparentés, par exemple la question du spirituel, des spiritualités, la question de la sécularisation, l'athéisme, l'agnosticisme, etc., etc. Donc tout un paquet de questions qui ont rapport avec du religieux, mais qui vont plus loin. Éric Vincent, est-ce que c'est trop fort de dire que vous êtes un militant qui œuvre pour la création d'une nouvelle discipline universitaire en France qu'on appellerait sciences des religions et des laïcités ou religiologie, c'est ça ? Oui, j'arrive même pas à le prononcer. Religiologie, ben c'est un problème d'habitude, vous savez. Hein. Anthropologie, ethnologie, pourquoi pas religiologie ? Je dirais d'abord que je défends une position intellectuelle qui est de penser en effet que le religieux mérite d'être étudié en tant que tel, pour qu'on s'en occupe en tant que tel et qu'on ne soit pas toujours dans des approches, comme je dis, dérivées, où on est d'abord, je dirais par exemple, un généraliste des phénomènes sociaux, ce qui fait le sociologue, et puis il se trouve qu'on travaille sur des questions religieuses, mais en n'ayant pas forcément une culture du religieux en général très développée. Ou un historien, par un historien, voilà, il va être très bon pour faire des monographies sur tel ou tel aspect, des questions sociétales, par exemple un ordre religieux, voilà. Donc ça c'est très précieux, c'est très utile. Mais vous voyez, il n'a pas forcément avoir une théorie générale de la religion pour faire sa monographie sur un ordre religieux à Montpellier au XVe siècle. Ouais, bon. Donc moi ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir cette approche générale et qui donne au phénomène religieux la même légitimité intellectuelle que, par exemple, les phénomènes politiques. Pourquoi une science de la politique, des phénomènes politiques, et pas une science des phénomènes religieux ? En fait, il n'y a aucune raison rationnelle. Hein. Simplement, ça nous renvoie, je crois, à un certain nombre de caractéristiques culturelles propres à notre histoire générale, à l'histoire de France, et puis l'histoire aussi, on pourrait dire, politique, l'histoire intellectuelle, l'histoire universitaire française, qui font que une certaine compréhension du religieux, qui n'est pas explicitée souvent, a conduit en effet à considérer que traiter le religieux comme un objet de science et d'enseignement dans un espace non confessionnel, c'était problématique. C'est donc délicat, mais c'est tout à fait possible, et surtout, je dirais, c'est nécessaire. Alors c'est là peut-être que l'aspect militant entre en ligne de compte. Je suis convaincu que notre pays a particulièrement besoin, aujourd'hui, d'établir des lieux de réflexion, de formation sur ces thématiques, et, je dirais, des lieux qui institutionnalisent un débat de qualité, parce que le débat est en général de mauvaise qualité sur ces sujets, le débat médiatique, si on peut dire, justement parce que les termes ne sont pas examinés, pas critiqués. Ça a été dit par un certain nombre d'analystes, il y a un analphabétisme sur les sujets religieux dans notre pays. Hein. Même des gens très cultivés, très savants, dans tel ou tel domaine, sont assez peu équipés sur le plan culturel quant aux questions religieuses. Et donc, ça produit en effet un espèce de brouhaha permanent et de mauvaises questions. Il y a des fausses questions qui sont répandues un peu partout. une fois qu'on a cette religiologie science fondamentale, on doit pouvoir faire aussi dans des bonnes conditions des sciences dérivées, comme par exemple la pédagogie des religions. La pédagogie du fait religieux, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est justement se poser la question de savoir comment on parle des religions à des enfants. Et ça, ça demande d'avoir déjà clarifié tout un tas de questions préalables, premièrement. On pourrait dire aussi, question connexe, comment on fait pour parler du fait religieux à des enseignants cette fois ? Comment on apprend à des adultes à parler du fait religieux à des enfants ? Je te vois avec tout ce qu'on vient de faire, super ? Non. Sauvé par l'ange. Est-ce que vous vous souvenez de comment s'appelle l'ange ? Gabriel. Et dans la tradition musulmane, comment on l'appelle ? Très bien. Alors, pour clore un peu cette histoire d'Abraham, sachez qu'il a un autre fils. Comment il s'appelle, son autre fils ? Isaac. Oui, et le premier, il a un premier fils avec sa servante Agar. Ismaël, très bien. Ismaël. Ismaël va être le père des tribus arabes. Et Isaac va avoir un enfant qui va s'appeler Jacob et qui sera lui le père des tribus juives. Ça veut dire qu'en fait, tous ces personnages-là, en fait, forment un socle commun des trois religions. On les retrouve dans les trois religions. Alors, est-ce que c'est la même époque ? J'ai même pas tellement parlé, tu me parles. Alors, je vous rappelle qu'Abraham aurait vécu, puisqu'on est encore dans la croyance religieuse, mais aurait vécu il y a 1850 ans avant Jésus-Christ, ce qui veut dire que c'est peut-être pas tout à fait la même époque que Jésus-Christ. Tu vois, on est sur des époques différentes. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose ? C'est quoi votre titre exact ? Directeur des temps périscolaires et extrascolaires. D'accord. Et l'association Enquête, vous l'avez connue puisqu'elle est venue vous présenter son projet ? Alors, je l'ai connue via un panel d'activités proposé en fin d'année dernière. Et puis, j'ai eu la chance de connaître Camille, qui était déjà animatrice sur mon école. Donc, les choses se sont faites assez rapidement et simplement. Vous trouvez qu'on en parle assez, vous, du fait religieux de l'histoire, du fait religieux de l'histoire de la laïcité ? Moi, je pense que ça a une place importante de nos jours. À l'école, on se cache parfois derrière le mot école laïque. Mais bon, c'est une vérité, on est tous de cultures et d'origines différentes, donc pour moi, c'est bien d'en parler. Il n'y a pas des problématiques particulières que vous avez à affronter, vous, en tant que responsable éducatif ? Non, pour ma part, on fait bien la part des choses, donc je n'ai pas eu de soucis. Mais c'est vrai qu'il est très important de bien communiquer sur ces choses-là aux parents parce que eux ne voient pas la même chose que nous et ne voient pas vraiment dans quel sens on apporte ces choses-là. Il y a toujours une petite crainte. C'est normal quand on est parent. Il y a toujours cette crainte-là. Crainte que le message... qui est des messages subliminaux à travers ces choses-là, mais non, c'est très neutre. Au contraire, ça permet de voir et d'avoir une culture, en tout cas, de tout ce qui est religion, quoi. Enfin, moi, pour moi, je le vois comme ça et c'est ce que je vois lors des ateliers quand je participe un peu, quand il y a le temps. Nous pensons à l'Observatoire de la laïcité depuis notre installation qu'il est important de renforcer l'enseignement laïque des faits religieux, même si c'est évidemment très complexe et on a conscience de la complexité de la chose. Nicolas Cadenne, puisque... rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Les faits religieux sont pas n'importe quel fait, ça touche à l'intime de chacun, aux convictions de chacun. Mais nous sommes persuadés qu'il faut le faire de façon parfaitement objective et donc de façon impartiale, neutre et laïque, en traitant de ces faits religieux en tant que faits sociaux et de façon transdisciplinaire. Mais ce serait l'idéal, hein. Ce serait l'idéal, mais encore faut-il pour que ça marche, que les enseignants soient bien formés à ces questions-là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, et du coup, ils se sentent eux-mêmes dépourvus, pas du tout outillés, et donc parfois très mal à l'aise face à certaines interrogations de leurs élèves. Et du coup, ils peuvent passer ça à la trappe, ne pas y répondre, ou mal y répondre, et donc c'est problématique. Donc il faut les former dès la formation initiale. Nous avons demandé au ministre concerné de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur que dès les ESP, les écoles supérieures du professorat d'éducation, on ait des formations à la laïcité, mais aussi des formations à l'enseignement laïque des faits religieux. Des postures pédagogiques, des outils pédagogiques pour traiter de ces questions-là de façon dépassionnée et objective. Donc il faut le traiter comme faits sociaux, parce que de fait, les faits religieux, qu'on le veuille ou non, ont une influence et ont eu des influences sur tout un tas de matières. C'est pour ça que ça se fait aussi de façon transdisciplinaire. Vous avez eu des influences des faits religieux, des religions, sur la musique, sur le dessin, sur la peinture, sur même l'économie, sur même les mathématiques, sur plein de matières, sur la littérature évidemment. Vous avez eu des influences religieuses. Il faut les aborder de façon objective. Il ne s'agit évidemment pas de faire de la théologie, du catéchisme ou de traiter du dogme. C'est là où c'est compliqué. Il faut toujours faire la part entre le savoir et le croire. Et ça, j'avoue que c'est très complexe, surtout quand on touche à ces questions qui touchent elles-mêmes à l'intime de chacun. Mais il y a des outils qui existent déjà, qui doivent être développés, qui ont pu être aussi conceptualisés par l'IESR, l'Institut Européen en Sciences des Religions, et qui forment un certain nombre d'enseignants à ces questions, et qu'il faut faire connaître et qu'il faut démultiplier, parce que de fait, les enseignants ont besoin d'outils, car aujourd'hui, c'est un fait, ils se sentent souvent dépourvus face à des questionnements parfois anodins d'élèves, c'est-à-dire des élèves qui ne veulent pas forcément lancer une quelconque provocation, mais simplement s'interrogent sur les religions qui les entourent dans la société actuelle. Ce qu'on a pu faire tout d'abord, c'est voir qu'est-ce que la laïcité, en fait, plus en profondeur. Lycée de Combs-la-Ville, Académie de Créteil. Par exemple, moi, avec une partie de mes camarades de classe, nous avons travaillé sur les signes ostentatoires. Donc du coup, pouvoir librement exprimer sa religion, mais tout en respectant celle des autres. Et ça nous a appris à aller plus en profondeur dans ce thème, à découvrir ce que c'est réellement, en fait, la laïcité. Du coup. Parce qu'on s'arrêtait à une définition où la laïcité était contre la religion, mais on a plus découvert qu'en fait, la laïcité prenait plus la liberté et l'acceptation des autres. Anne Rottenbüller, professeure d'histoire et géographie au lycée de Combs-la-Ville. Pour moi, la laïcité, c'est un mécanisme qui va permettre aux valeurs républicaines, liberté, égalité et fraternité, de se faire. Anne Rottenbüller, ici, vous êtes référente laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire être référente laïcité dans un lycée comme le vôtre ? Alors, être référente laïcité a plusieurs objectifs. Le premier, c'est un rôle d'animation auprès des élèves, c'est-à-dire que chaque année, eh bien, depuis 2015, j'essaye de proposer des projets pour la journée de la laïcité, donc le 9 décembre, donc la loi anniversaire de la loi de 1905. C'est aussi en fait un rôle de conseil auprès de collègues en fait qui peuvent se retrouver en situation délicate. Ça a été notamment surtout le cas après les attentats du Bataclan 2015, où là les collègues étaient demandeurs en fait d'informations précises pour ne pas commettre d'amalgame, de faire de contresens, et un rôle de présence tout au long de l'année auprès des différents personnels sur ce problème de la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, ne pas faire de contresens après les attentats? Ce qui est compliqué avec la laïcité, c'est que à l'origine, pas beaucoup de monde a la même définition de ce que c'est que la laïcité. Et ça pose un véritable problème dans le sens des mots. Et surtout que dans ce moment en fait terrible, profondément tragique, après les attentats du Bataclan, eh bien, il y avait énormément d'émotions. Et autant un prof en fait son travail avec ses tripes, autant en fait toute émotion quelque part lui interdite, puisqu'en fait on perd toute objectivité. Donc il faut être extrêmement précis avec le sens des mots, avec aussi les définitions qu'on met derrière ces mots. Et c'est ça aussi qui a été compliqué à gérer et qui a soulevé en fait au sein même des lycées des conflits en fait qui se sont terminés de façon un peu abrupte. Qu'est-ce qui a changé au sein de l'établissement sur ces sujets ? Avez-vous changé votre manière d'en parler ? Et ressentez-vous que les élèves ont une approche très différente du sujet depuis les attentats? Ce que j'ai compris, c'est que justement, en fait, il ne fallait pas cesser d'en parler. Qu'il fallait véritablement être sans cesse, en fait, dans l'approche pédagogique. Et maintenant, alors, tout en respectant les programmes et leur durée, je prends n'importe quel prétexte, en fait, justement, pour remettre constamment les choses au point. C'est pas une leçon, en fait, d'éducation morale et civique d'un quart d'heure sur la laïcité, ou un commentaire, en fait, sur la charte de la laïcité, qui est à la fin, en fait, du livret, où on passe très vite, qui va, en fait, changer les choses. C'est un rappel constant de ce que c'est que la laïcité. C'est un rappel constant de ce que c'est que les valeurs de la République et en quoi la laïcité, en fait, sert ces valeurs. Et les attentats du Bataclan, c'est la première fois que j'ai vu des élèves avoir peur. C'est ça qui a été terrible. Et ce qui était très impressionnant, c'est qu'on a commencé à déconstruire avec les élèves. Et petit à petit, au fil de la journée, on s'est retrouvé avec un collègue, deux collègues, et à la fin, on s'est retrouvé avec trois classes, en fait, dans une salle de classe, comme si on avait eu besoin, en fait, d'être ensemble pour apporter, en fait, les réponses les plus précises, les plus claires et les plus exigeantes intellectuellement aux élèves, pour qu'il, justement, il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'on puisse expliquer véritablement les choses. Mais Anne Rottenbühler, c'était quel style de questions qu'ils avaient à ce moment-là, les élèves ? Est-ce que les tenants de commandeurs de Daesh sont de bons musulmans ? Qu'est-ce que c'est que l'islamophobie ? Est-ce que les juifs n'en ont pas fait exprès ? Parce que c'est ça aussi, en fait, le discours qu'on a eu. Est-ce que Charlie Hebdo, en fait, il n'avait pas finalement bien cherché ? Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser tranquilles, en fait, ce Daesh ? Comme ça, ils nous laisseraient tranquilles aussi. Donc voilà, ça a été, en fait, tout ce travail de déconstruction que j'ai commencé, en fait, en 2015 et que je ne cesse pas maintenant. Je crois que le devoir premier d'un professeur, c'est d'être excellent, d'être d'une grande exigence intellectuelle, ou au moins essayer d'être excellent. C'est comme ça qu'on sera à l'aise avec les élèves. Plus on en saura, plus en fait aussi il y aura ce rapport de confiance avec les élèves, et aussi de confiance en nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait on est tout seul face à 35 élèves. Eux ne se rendent pas compte que le rapport de force peut s'inverser, mais nous on le sait. Cours d'histoire pour les terminales ES. Alors, quand vous avez travaillé sur la laïcité, je vais vous présenter en fait quelques extraits d'un PowerPoint. Ce PowerPoint en fait a été réalisé par une élève de seconde dans le cadre en fait des discriminations. D'accord ? Et comme vous, vous avez davantage en fait d'apprentissage, d'expérience de la laïcité, je voudrais qu'on les commente ensemble. D'accord ? Donc là, encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'en fait, il y a trois personnes étrangères qu'il n'y a pas de bonne réponse. Arrêtez de me regarder comme des chouettes, en fait, pour savoir si vous avez bonne réponse ou pas. Promis, vous aurez votre bac, même si vous êtes une bêtise. D'accord ? C'est pas là-dessus que ça se gère, ok ? Là, l'idée, en fait, c'est vraiment de vous faire réagir, et c'est pour ça que je vous le présente, parce que moi, ça m'a fait réagir, et je veux avoir votre opinion dessus. Donc, le thème, en fait, du PowerPoint, c'était sur la discrimination, c'était sur le racisme et l'islamophobie. Étant donné que je suis une vieille, d'accord, je n'ai pas la télévision à la maison. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, vous avez la première photo. Donc, c'est du PowerPoint. C'est marqué donc l'affaire Menel avec marqué The Voice. Est-ce que quelqu'un, juste pour moi, peut me recontextualiser en fait cette histoire ? Pourquoi une affaire Menel ? C'est qui Menel ? C'est quoi ? Je vous écoute. Allez-y. Menel, donc c'est une candidate de The Voice, elle avait été sélectionnée et en fait, elle avait fait un gros débat parce qu'elle était arrivée à l'émission avec un voile sur les cheveux. Et en fait, de là, il y a plein de personnes qui ont commencé à chercher dans sa vie privée, dans son passé, etc. Et ils ont trouvé des messages qu'elle avait postés sur les réseaux après les attentats de Nice et un autre attentat, je crois, en disant que c'était l'État, en gros, qui... Enfin, c'était l'État, le terroriste dans tout ça. Et elle critiquait, de ce que j'ai compris, la manière dont l'État avait géré les attentats, en disant qu'il n'y avait pas assez de sécurité, etc. Et après, elle a vu qu'elle avait énormément de messages de haine en retour, et elle a décidé de quitter The Voice d'elle-même, sachant que derrière, il y avait aussi quand même des émissions et tout ça qui l'ont quand même poussée dans ce sens-là, sans vraiment lui dire « t'es virée », parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Alors, si vous regardez la structure, en fait, du récit d'Elena, il y a deux moments, il y a deux étapes dans son récit. Lesquelles sont-ils ? Si vous avez bien entendu, écoutez avec toute l'attention possible votre camarade. Il y a deux moments dans cette affaire Menel. Lesquels ? Est-ce que vous arrivez à les distinguer ? Je pense que le premier moment, c'est à partir du moment où la population, à travers la télé, ont vu qu'elle portait le voile. Et le deuxième, c'est lorsqu'on a retrouvé ses tweets et qu'elle critiquait la France après les attentats. D'accord, très bien. Donc, on est dans une émission de télécrochet, d'accord ? Elle va porter effectivement un turban. Est-ce que, légalement, elle a le droit de porter un turban ? Est-ce qu'elle a le droit de cacher sa chevelure ? Oui, non, pourquoi ? Meublé, Alexandre, meublé. Ça veut pas pour eux, c'est pas forcément un symbole religieux, ça peut être un choix esthétique. Mais après, si vraiment c'est un symbole religieux, elle n'a pas le droit puisque on est dans un pays laïque. Donc, dans une émission de télé. Selon vous, en fait, dans une émission de télévision, si c'est un symbole esthétique, parce qu'effectivement, le turban est bleu et ses yeux sont bleus, c'est ravissant, d'accord, l'effet charmant, elle a le droit. Par contre, si c'était par rapport à sa religion, elle n'avait pas le droit. Parce qu'on est dans un espace public. Oui. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord sur la deuxième partie des propos d'Alexandre quand il dit qu'elle n'aurait pas pu le porter car on est dans un lieu public et nous voyons que dans les universités, chaque étudiant a le droit de montrer son appartenance à une religion, du coup en portant le voile ou d'autres signes religieux. Donc je ne pense pas que ça serait gênant du coup de sa part. Donc je répète, est-ce que d'après vous c'est légal ou pas, en fait, le fait qu'elle ait porté le voile à la télévision, si ce voile est un symbole religieux ? Personnellement, je sais, par exemple, dans les établissements scolaires, on n'a pas le droit de porter le voile, mais après, dans les espaces publics, on a le droit. Et par exemple, si on voit des femmes musulmanes voilées dans la rue, et personnellement, je ne connais pas les règles de The Voice, mais... Si on regarde des reportages dans les informations, des fois, il y a des femmes voilées qui sont interviewées. Donc, je pense qu'elle avait le droit de le porter. Effectivement. On est dans un espace, en fait, qui est public. On n'est pas dans un établissement qui appartient, en fait, à l'État. Donc, cette candidate, si son voile, en fait, a une signification religieuse, elle est tout à fait, en fait, comment dire, elle a tout à fait le droit de porter le voile. Simplement, quelle a été la réaction, en fait ? D'accord, c'est ça. Et qui a réagi, d'après vous ? Qui a réagi, en fait, comment dire, sur, par exemple, vos fameux réseaux sociaux ? Toutes les personnes islamophobes ou qui n'acceptent pas trop la culture qui est, entre guillemets, étrangère. Enfin... D'accord. Alors, là, vous avez utilisé un terme qui m'intéresse. Le terme d'islamophobie. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me définir ce que c'est que l'islamophobie ? C'est en fait la peur ou le refus de comprendre la culture musulmane, les musulmans en général, que ce soit envers leur culture, leurs croyances, leurs pratiques. Et du coup, c'est en fait une forme de discrimination envers une culture étrangère. Now I've heard there was a secret chord that David played. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Vincent, on sent bien sur le terrain que tous les professeurs ne sont pas égaux devant la manière d'enseigner les faits religieux. On les sent très inégalement formés. Bien sûr. Et pourtant, depuis le rapport de Bray, c'était en 2002, tout à fait. Beaucoup d'experts ont dit qu'il serait nécessaire que les enseignants soient mieux formés. Mmh. Et rien ne semble bouger dans ce domaine. Alors, c'est très difficile d'abord d'avoir... de porter un jugement général sur ce qu'il se passe ou ce qui ne se passe pas. Et je dirais justement, par défaut de lieu légitime ou mener des enquêtes systématiques d'évaluation, par exemple, sur la mise en œuvre du rapport de Bray. Par exemple, c'est ce rapport de Bray de 2002, qui est bien sûr un moment clé de cette problématique dans notre pays, c'est lui d'ailleurs qui a, je dirais, installé l'expression « fait religieux » au singulier, et puis bien, après elle a été employée au pluriel. Bon, eh bien, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Hein, et on peut dire que c'est assez logique. Vu la taille du système scolaire français, par exemple, hein, pratiquement 13 millions d'élèves, si je ne me trompe pas, 1,5 million de professeurs, sans compter les personnels qui les assistent ou qui les entourent. Enfin, voilà, on a affaire à une réalité énorme. Bon. Et on a assez peu de données sur voilà, les pratiques des uns et des autres. Alors, il y a des recherches en cours, hein, donc ça va, notre niveau de connaissance va s'améliorer. Mais là, je pense que, voilà, on peut en effet penser que, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'analphabétisme religieux qui est très répandu, les enseignants aujourd'hui sont des Français comme les autres, c'est-à-dire que voilà, ils ont voilà, un niveau culturel dans leur domaine, dans leur discipline, bien sûr supérieur à la moyenne, mais il y a de fortes chances pour que beaucoup d'entre eux n'aient pas été initiés à un certain nombre de données, de questions, de vocabulaire qui sont indispensables pour parler du fait religieux. Et là, on pourrait, pour préciser ce propos, parler à la fois de le fait religieux comme une langue, hein, comme un monde symbolique ou des mondes symboliques qui ont des vocabulaires spécifiques et qui ont une grammaire spécifique. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour bien parler des faits religieux, il faut savoir un certain nombre de mots. Par exemple, le mot prophète, qu'est-ce que c'est un prophète ? Comment le mot prophète, par exemple, a été construit dans le contexte du judaïsme, et puis après du christianisme, et puis après de l'islam, avec des traductions dans différentes langues, etc. Bon. Et puis comment on peut employer ce mot prophète de façon métaphorique dans un autre contexte, en disant que, par exemple, que Jean Jaurès est un prophète. Voilà, c'est des choses qu'on peut dire. Bon. Pourquoi ? Comment ? Vous voyez, bon. Là, on est dans le vocabulaire des religions, qui est un vocabulaire particulier. Hein. Un prophète, ça nous parle à peu près tous. Bon, un ostensoir, déjà, on sait beaucoup moins ce que c'est. Quoi. Voilà, un ostensoir, hein, cet objet liturgique des rituels catholiques qui sert à présenter l'hostie consacrée qui, pour un catholique, est le corps du Christ. Eh bien, voilà, ça, c'est un mot que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Bon. Ben, il se trouve que c'est un mot qui est employé par Charles Baudelaire dans le poème Harmonie du soir et qui, donc, a une valeur culturelle intrinsèque pour comprendre ce que Baudelaire nous dit, par exemple. Bon, vous voyez, donc là, on est dans quelque chose qui est de vocabulaire religieux qu'il faut connaître. Quand je parle de la grammaire du religieux, c'est essayer de comprendre, ben, par exemple, là, qu'est-ce que représente l'hostie consacrée pour un catholique ? Qu'est-ce que représente le Coran pour un musulman ? Comment, par exemple, les religions mobilisent du sacré ? Mais alors, c'est quoi le sacré ? Est-ce que le sacré fait sens pour la plupart de nos contemporains et pour les enseignants ? À quoi renvoie ce mot ? Ont-ils réfléchi à ce mot ? Je pense qu'on ne peut pas sérieusement enseigner les faits religieux sans s'être interrogé sur le sacré, ses transformations, ses dispositifs, ses dangers, ses forces. La question donc, par qui a été créé l'Observatoire de la laïcité ? Monsieur Caron, Madame Crispo, Jacques Chirac ou le général de Gaulle ? Le général de Gaulle apparemment a été victime de sa popularité. D'accord ? Vous pouvez amputer beaucoup de choses, mais pas la mise en place de la création de l'Observatoire de la laïcité. Qui a répondu Jacques Chirac ? Vous m'expliquez un petit peu pourquoi ? Quand ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Alors comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre Jacques Chirac ? Au hasard. Rémi, il faut jouer au loto. C'est le moment ou jamais. Vous avez beaucoup de chance. Que mange-t-on le vendredi selon la religion chrétienne ? Du poisson, du gâteau au chocolat, je ne mange pas, j'ai pris 25 grammes hashtag, ou un élève ? Oui, ça c'est moi. Du poisson. Est-ce que vous savez d'où vient cette coutume en fait ? Dieu il a séparé, partagé plusieurs trucs, je sais plus. Si vous savez simplement, vous n'osez pas le dire. Non, mais je sais. Enfin, il a multiplié du pain et du poisson plusieurs fois. Alors, c'est Dieu ou c'est qui exactement ? Non, c'est Jésus. C'est Jésus, d'accord, qui a fait ce qu'on appelait donc dans la tradition en fait chrétienne un miracle, d'accord ? Alors, c'est un peu plus compliqué ça. Quand est-ce que chez les chrétiens on mange du poisson en dehors du vendredi ? Il n'y a pas une période spéciale, en fait, où on ne mange vraiment pas de viande ? Carême. Ça, c'est pour les catholiques, le carême. Est-ce qu'il n'y a que les catholiques qui font carême ? Ben, la plupart du temps, c'est normal. Merci. Alors, vous poussez les chaises contre les tables et on se retrouve jeudi. Nicolas Cadenne, quelle définition donneriez-vous de la laïcité ? La définition la plus simple et la plus claire, c'est de dire que la laïcité est un principe qui, vis-à-vis des convictions, permet la parfaite déclinaison de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Tout simplement parce que la laïcité, c'est d'abord quoi ? C'est d'abord la liberté de conscience, la liberté absolue de conscience, garantie par l'article 1 de la loi de 1905, mais par d'autres textes plus anciens, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen notamment, liberté donc de pratiquer un culte aussi, ou de ne pas en pratiquer, évidemment, d'en changer, si on le souhaite, de ne plus en pratiquer. Donc, en France laïque, nous avons le droit de faire part de sa religion, même parfois d'en faire la promotion, si nécessaire, si on ne trouble pas l'ordre public, mais on a aussi le droit de critiquer une religion. Donc, tout cela dans le respect mutuel. Voilà. On a le droit d'être croyant ou non-croyant, qu'importe. Ensuite, c'est la légalité. Mais avant l'égalité, il faut rappeler que c'est le principe de séparation entre les organisations religieuses et l'État et l'administration publique. De ce principe de séparation découle la neutralité de l'administration, et à l'inverse de ce qu'on entend souvent, que de l'administration, pas des usagers, pas des citoyens, puisque eux se voient garantir la liberté d'exprimer des convictions, quelles qu'elles soient, croyantes ou non. Donc la neutralité de l'administration qui découle de cette séparation. Pourquoi séparation ? Parce qu'il faut rappeler que la souveraineté politique n'émane que de la souveraineté populaire, que des citoyens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs convictions, croyantes ou non. Et donc, neutralité de l'administration. Dans l'autre sens, d'ailleurs, l'État ne peut pas régenter les cultes en interne, ne peut pas instrumentaliser la religion à des fins politiques, donc les cultes sont indépendants. Et c'est finalement cette neutralité de l'administration qui va permettre l'égalité des citoyens, quelles que soient leurs convictions, puisqu'en France laïque, que vous soyez 10 à penser quelque chose ou 10 millions à penser quelque chose, vous devez être considéré exactement de la même façon par l'État. Quelles que soient vos convictions, on est avant tout tous citoyens. Et c'est ça qu'il faut vraiment rappeler. Il n'y a plus en France laïque de majorité et de minorité. Ça, c'est un concept qui est dépassé dans la France laïque. Il n'y aurait pas de minorité qui serait dangereuse pour une majorité ou une majorité qui serait dangereuse pour des minorités. Non, on est tous citoyens français à égalité de droits et de devoirs. Et c'est cela, cette liberté de conscience et cette égalité qui vont concourir à l'idéal républicain de fraternité. Et c'est pour cela, voilà, que cette laïcité, finalement, n'est pas une valeur, attention, hein, mais un principe. Un principe, c'est plus fort d'ailleurs, un principe qui vis-à-vis des convictions permet cette parfaite déclinaison des valeurs républicaines. Vous faites la différence ? Vous dites c'est pas une valeur, c'est un principe. Qu'est-ce que ça change de dire c'est un principe ? Mais parce que c'est un principe d'organisation qui va permettre la déclinaison concrète des valeurs républicaines. C'est donc beaucoup plus fort que de dire juste c'est une valeur. C'est pour ça que ce serait une erreur que d'ajouter laïcité au triptyque républicain. Parce que c'est pas la même chose. En fait, c'est plutôt la laïcité ce qui va permettre au niveau des convictions de rassembler ces trois valeurs républicaines et de décliner ces trois valeurs républicaines. Comme un mécanisme. Exactement, c'est un système d'organisation, c'est un mécanisme, c'est un outil formidable pour assurer la cohésion nationale. Et c'est ça qu'on oublie souvent aujourd'hui. Quand on entend, parce que vous l'avez dit, oui, il y a consensus sur la République laïque, tout le monde est favorable à la laïcité, mais en revanche, il n'y a pas consensus sur sa définition. Nous, on s'en tient à la définition juridique et historique de la laïcité, à la laïcité tout court. D'autres veulent une nouvelle laïcité, ils ont le droit, c'est le débat démocratique, mais ils veulent une nouvelle laïcité. Mais justement, là, on constate beaucoup d'erreurs. Parce que quand vous voyez des gens qui parlent d'une laïcité, mais pour exclure, ça n'a aucun sens. Ou pour restreindre les libertés, ça n'a aucun sens quand on revient à l'origine historique de la laïcité, puisque la laïcité a été pensée pour assurer la paix civile dans un pays qui a connu des guerres de religion, on le sait bien, pendant plus de 3 siècles, et qui a connu des discriminations à l'encontre des minorités, et ce, jusqu'au début du XXe siècle minimum. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas considérer la laïcité comme quelque chose qui contraindrait, mais c'est d'abord, comme le disait Briand, le rapporteur de la loi de 1905, une liberté, même si bien entendu, pour assurer le cadre collectif, il y a des limites à rappeler. Donc c'est une liberté, c'est un équilibre, pardon, parfait entre les libertés individuelles et les libertés collectives, et le cadre collectif. Faut-il renforcer l'enseignement du fait religieux ? Un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Rafik Zénine. Prise de son, Laurent Macchietti, Jean-André Giannichini. Mixage, Alain Joubert. Stagiaire, Virginia Cadjovi. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien pour nous écouter en salle des profs, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et pour se parler Twitter et Instagram. Demain, 3e épisode, Divin, Divan.